out, yeah. Check it out, yeah. Un de coin grec représente dans la place en direct. Sous mon dialecte, fais tes rempli check, hein. Hein, hein. Sous mon dialecte, fais tes rempli check. Je me présente comme un problème et ta solution. Suivi de ma faction, une fraction. Je te pose une contravention. Subis les sanctions. La vente s'élève une tonne de rimes à payer pour ta pension. Attention, ton séjour dans le rap d'ici se fait sous tension. Porte attention, si tu veux pas qu'à ton retour on teste une marque sur ton front. Je te réponds par des rimes de béton. Je prends un film, la bande sonore sous micro-sillon. Je te pète une crise de rimes au fond, t'en subis la famine. Tu montes tes rumines, ta triste mine. Sur un série qu'on fait plusieurs crimes. Chaque phrase comme une gorgée de gin. La prochaine victime, d'une façon sublime. Subtil, je me faufile au fil de fil, j'arrive right in your face, puis je te kill. Tu pourras bien constater par toi-même quand tu verras le pile. Sois toi-même, y'a trop de faux fakes, ceux qui disent pouvoir manger des MC à leur guise. Aucune preuve à la pluie, c'est guise. J'avoue trop qui s'arrachent pour laisser leur femme veuve. Crise de rime, j't'illumine, puis j't'oxyde comme l'alumine. Sauf toi, sinon j't'élimine. Crise de rime, sauf j't'abîme, puis j't'envoie dans le fond de l'abîme. Quand j'me pète une crise de rime, crise de rime. Crise de rime, crise de rime. C'est un état mental qui sonne lyrique fatal. Qui grogne comme l'animal, qui te saute dessus, dérobe ton flow banal. Luxation te crâne, oui ça fait mal. Mon flow est capital, comme la capitale de Québec. Contrairement au capital monétaire, j'suis jamais assez. Toujours de quoi pour clouer le bec. Écoute, j't'écoute, mec. Attaque de craquer dans tes dents. Toujours dans l'état, toujours en état. Un représentant, quand se fait le boucan. Et pourtant, y'en a tant qui jose les condescendants. Quand on descendant, c'est le moment, on s'aperçoit que lui m'a. Puis lui aussi, y compris, t'as compris. Je parle pas de ceux d'ici, je parle de ceux de là-bas. Quand ils viennent ici, je parle de ceux de là-bas. Quand ils vont là-bas, je parle de ceux d'ici. S'il y en a comme ça ici, sachez que je fais pas de compromis, c'est promis. Je repars de plus belle, façon top model. De toute façon, je repars avec elle. Les façons, les signés d'hôtel. Et disons, comme au Max XL, j'ai vu son G-string à la tête. J'ai mangé tout cru, elle n'en pouvait plus. De la même façon que je place des imprévus dans mes tracks. Crise de rime, j't'illumine, puis j't'oxyde comme l'alumine. Sauf toi sinon j't'élimine. Crise de rime, sauf j't'abîme, puis j't'envoie dans le fond de la prime. Quand j'me pète une crise de rime, crise de rime, crise de rime, crise de rime. Attention au naufrage, je laisse me gauche sans de la place. Mes rhymes sont pas sortis d'une vente de garage. Ça m'enrage quand j'entends des têtes immatriculées par un autre MC. Puis lui qui dit que c'est lui qui l'a écrit. Faudrait faire du ménage, y'a trop d'enculés qui ont même pas payé leur propriété, ma propriété. Reste à moi, viens pas fouiller dans mes plates-bandes si tu veux te prendre. L'accord de prêt, t'as qu'à demander, j'suis pas prêt à concéder. Plus probablement jamais, c'est pas comme ça que tu vas baiser. Si on dit jamais, jamais, comme on dit quand tu connais. MER de KY, dans la place en direct, sous mon dialecte, fais des remplis de une caisse de cuite, straight back from the 4-8. Toujours back, ça se reconnaît quand ça vient d'ici, dans notre coin nordique. Tu sais que ça vient d'ici, dans notre coin nordique, straight back from the 4-8. Check it out, check it out, yo. Tu sais que ça vient d'ici, dans notre coin nordique, straight back from the 4-8. Check it out, tu sais que ça vient d'ici, dans notre coin nordique, straight back from the 4-8. C'est Murky, représentant d'ici. Représentant d'ici, le son du QC. Check it out, hein? Yeah, check it bien se sortir.